Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Shalom, shalom, auditeurs de la radio de la vie. Recevez nos chaleureuses salutations, puisque c'est maintenant que nous nous voyons sur les ondes depuis cette année. Alors nous disons oui, amen à tout ce que Dieu a déclaré sur votre vie et particulièrement pour toute la décennie. Aujourd'hui, l'objet de notre réflexion est le texte de Jean 10, les versets 11 à 21. Dans ce passage, il est question du sacrifice que l'on peut faire quand une chose nous appartient ou qu'elle n'est pas à nous. Comment est-ce que on se comporte vis-à-vis de cette chose? Ce matin, nous recevons pour vous le frère Douba Lignon Christophe. Il est ancien de l'église Assemblée de Dieu, Jéhovah Shammah, assise à Angré-Château. Il est récemment nommé inspecteur d'éducation et pour l'heure, il est au lycée moderne d'Anyaman. Moi, je suis votre servante et m'habillée à ce microphone pour conduire ce laps de temps et Yao Emmanuel met en nom de cette émission. Bonjour frère Douba. Bonjour sœur. Bienvenue et bonne heureuse année. Merci. Puisque c'est maintenant qu'on se voit aussi. Amen. Chers auditeurs, nous allons prier avec notre frère Douba afin que le Saint-Esprit nous dispose pour ce temps. Nous prions. Béni soit ton nom, notre Père, notre Dieu. Merci de ce que tu nous as gardé toute cette année écoulée. Merci de ce que tu permets que nous puissions nous retrouver pour ton service. Sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. C'est pour cela, Père, nous te prions de nous conduire, de nous orienter, de nous diriger, afin que nous soyons dans ta volonté et que l'objectif soit atteint au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs de la radio de la vie, nous vous rappelons encore pour vous qui nous prenez en marche. Vous êtes à Méditons ensemble. Nous allons bientôt lire le passage du jour, Jean 10, les versets 11 à 21. Nous ferons la lecture dans la version Louis II et après quoi nous allons faire l'observation d'abord, l'interprétation, puis une application à notre vie. Je lis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de cette parole, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? » Amen. Amen. Oui, nous venons d'achever la lecture de Jean 10, les versets 11 à 21. Nous allons maintenant passer aux commentaires de de ce passage en commençant par l'observation. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de l'ancien Lignon Christophe, qui est membre de l'Église des Assemblées de Dieu. Frère Christophe, nous voici dans l'observation, mais avant cette étape, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant notre test. Est-ce que tu peux rappeler brièvement le contexte de notre test? Le test qui suit celui que nous allons donc ce matin méditer, c'est le test de Jean 10, versets 1 à 10. Et ce test, tout le chapitre 10 même, parle du berger. Alors, le test précédent dépeignait les qualités d'un berger et disait par exemple que le berger entre par la porte de la bergerie, les brebis entendent sa voix, le portier lui ouvre, il appelle les brebis par leur nom, il marche devant les brebis et les brebis le suivent. Ensuite, dans le même test d'hier, Jésus se présentait comme étant la porte des brebis. Et celui qui entre par cette porte sera sauvé. Celui qui sortira aussi de cette porte sera en sécurité. Voilà donc ce que nous pouvons dire du test d'hier. C'est donc la continuité sur le berger. D'accord. Qu'est-ce que dit le test de ce jour? Voilà, comme je le disais, le test de ce jour aura pour titre Jésus, le bon berger. Donc, parle de Jésus étant le bon berger. D'accord. Donc, Jésus étant le bon berger, nous allons pour plus de détails par rapport à ce titre. Est-ce que vous avez un découpage à nous proposer? Nous avons donc découpé ce test en trois parties. La première partie, du verset 11 au verset 15, parle des caractéristiques du bon berger et cela par rapport aux mercenaires. C'est une comparaison qui est faite. La deuxième partie, qui parle du verset 16 au verset 18, stipule que le bon berger se soucie des brebis égarées. Et enfin, la troisième partie du verset 19 verset 21 est une confusion qui s'est manifestée dans le peuple juif suite à cette déclaration de Jésus comme étant le bon berger, comme étant celui seul qui se soucie des brebis et considérant les autres comme des brigands. Donc une confusion s'est dégagée. Une division s'est dégagée, verset 19 au verset 21. D'accord. Ceci dit, nous allons partir en détail pour l'explication de ces différentes parties. Nous allons aller avec la première partie. Voici que Jésus se présente comme le bon berger et il dit que les autres ne sont que des mercenaires. Explication. Oui, lorsque nous prenons par exemple le verset 11, c'est-à-dire le premier verset de notre méditation, Jésus donne des caractéristiques qui font la différence entre le bon berger et tous ceux qui se prévalent de bergers, mais qui ne le sont pas. Alors, au verset 11b déjà, il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Donc, première caractéristique. Voilà. Et ceci se différencie au verset 12, où il parle du mercenaire. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, lorsqu'il voit le danger venir, c'est-à-dire le loup venir, il les abandonne et prend la fuite. Il faut noter que le mercenaire, c'est un employé, quelqu'un qu'on paye pour faire le travail. Oui, le mercenaire n'a aucun lien particulier que si ce n'est que le gain qu'il cherche, l'argent. Il ne se préoccupe pas d'autre chose que de son gain. Alors, je pouvais continuer au verset 14a. Il dit, parle toujours des caractéristiques du bon berger. La deuxième. Voilà, donc je connais mes brebis et elles me connaissent. Mm-hmm. Lorsque nous comparons le bon berger au mercenaire encore, au verset 13, et on dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Ensuite, au verset 15, il est dit, je donne ma vie pour mes brebis. Alors, il y a donc cette caractéristique, ce lien de filiation entre les brebis et le berger. Le berger qui considère les brebis comme étant une partie de lui-même donne sa vie. Donc, voici quelques caractéristiques qui différencient le bon berger du mercenaire. C'était donc la première partie que nous avons intitulée « caractéristique du bon berger par rapport au mercenaire. On pourrait ajouter qu'ici, il donne sa vie lorsque la brebis est en danger et qu'il devait choisir entre, comment on appelle ça, si la brebis est en danger de mort, il pouvait même aller la sauver au risque, au péril au prix de sa vie. Oui. Alors que le mercenaire, il s'enfuit, laissant la brebis dans la gueule du loup. Oui, effectivement. Donc, ceci dit, nous passons à la deuxième partie, verset 16 à verset 18. On voit là que Jésus, il a déjà des brebis dans sa bergerie. Mais cependant, il fait allusion à des brebis qui sont en dehors de la bergerie. Et c'est pourquoi vous avez intitulé ce passage « Le bon berger se soucie des brebis égarées ». Oui. Pourquoi égarées ? Voilà. Donc, il faut dire que le berger a une bergerie. Et donc, c'est un troupeau qui est ensemble. Mais Jésus révèle ici que ce ne sont pas là les seules brebis. Et au verset 16, donc, nous lisons clairement qu'il a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et donc, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Jésus se soucie des brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Il dit et il se donne la peine. Il dit, il faut que je les amène. Une nécessité de rassembler, de sauver ces brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit, dans cet objectif, donc, il faut qu'il y ait un seul troupeau. Et je crois que c'est le combat que Jésus mène au verset 16, la dernière partie. Un seul troupeau, un seul berger. Il n'y a pas deux troupeaux, il n'y a pas deux bergers. Donc, Jésus se soucie de cela. Et donc, des brebis qui n'ont pas encore entendu sa voix, qui ne sont pas encore venus, Jésus dit qu'il les ramène et qu'il veut les ramener nécessairement pour qu'il y ait un seul troupeau, pour qu'il y ait un seul berger. Et cela, lorsqu'elles entendront sa voix, voilà, elles reconnaîtront cette voix. Voilà, donc il faut que toutes les brebis de Jésus soient ensemble. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de troupeau. D'accord. Et Jésus déclare qu'il est le seul berger et en même temps, il affirme que c'est parce que le Père l'aime. De la même manière que le Père l'aime, il donne sa vie pour la reprendre. Oui. Et personne ne l'a lui ôte. C'est lui-même qui donne sa vie. Et à cette parole-là, on se rend compte que les Juifs, les hommes de la loi sont pas d'accord avec lui. Oui. Et cela crée une division. Voilà. Ceci nous amène donc à aborder la dernière partie, qui est la troisième, verset 19 à verset 21, que nous avons intitulé « Confusion suite à la notion du bon berger ». Parce que, disons que le livre de Jean, à son premier chapitre, premier verset, commence par ici. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est un livre qui présente Jésus comme étant Dieu. Jésus et le Père sont un. Alors, en disant que Dieu est son Père, il affirme ce qui avait été déjà dit dès le départ. Lui avait amené la contestation. Lui et le Père sont un. Et c'est ce que une partie de la classe juive ne peut accepter. Et c'est ce qui a donc conduit à la division. Il y a eu deux groupes. Le premier groupe donc l'a accusé Jésus de possession, d'être un possédé démoniaque. Au verset 20b, il est dit, il a un démon, il est fou. Et il se demande pourquoi les gens l'écoutent. Parce qu'il ne peut pas concevoir que Jésus soit fils de Dieu et Jésus soit Dieu. Le deuxième groupe, au contraire, se demande, alors, est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Ayant vu les actes que Jésus a posés, il y a un deuxième groupe, donc, qui n'a pas voulu suivre ceux-là qui sont gagnés par l'incrédulité. Donc, ceci a provoqué la division entre les Juifs qui écoutaient Jésus en ces jours-là. Ce deuxième groupe savait que selon la loi, seuls les prophètes pouvaient faire des miracles, avoir l'approbation de Dieu pour guérir effectivement une maladie. Voilà. D'accord. Auditeurs de la radio de la vie, nous sommes au terme de notre observation. Nous allons maintenant passer à l'étape de l'interprétation et nous sommes toujours en compagnie du frère Lignon Douba, ancien de l'église Jéhovah Shammah de Angry Château. La question qui va nous permettre d'interpréter ce texte est la question 2 qui dit « Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit ?» Ici, nous avons affaire seulement à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu le Fils? Voilà, donc ce passage dit clairement que Jésus est le bon berger. Et ce bon berger-là a une intimité avec ce brebis. Jésus étant le bon berger, il donne sa vie. Et il a donné sa vie pour les brebis, comme nous allons le dire dans l'application. Mais donc, Jésus est le bon berger. Ce bon berger donne sa vie pour les brebis. Et il ne donne pas sa vie avec une pression, mais de manière volontaire et en obéissance au Père. Ce texte aussi nous apprend que Jésus et le Père sont un, et que Jésus est fils de Dieu. Ceci a entraîné des divisions, mais Jésus est fils de Dieu. Ce texte nous le démontre. Ce texte aussi nous prouve que Jésus est reconnu comme ayant accompli des miracles. Il a fait des miracles et ces miracles parlent en sa faveur. Donc c'est ce que je voulais dire sur Jésus par rapport à ce texte. On pourrait dire aussi que ce texte nous apprend la mission future de Jésus, enfin pas future, la mission pour laquelle Jésus est venu donner sa vie, puisqu'il le révèle ici, il dit, il donne sa vie pour ses brebis. Ici, c'est vrai que c'est au présent, mais nous savons que Jésus va mourir plus tard. Oui. D'accord. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans l'application. Bien. Voilà. Ceci dit, nous allons passer maintenant à la phase de l'application. Quelles sont les leçons que nous aurons à retenir à l'issue de cette interprétation de l'observation pour les appliquer à notre vie? Oui, je crois que ce texte-là nous dit clairement cette mission que Jésus a accomplie. En parlant du bon berger qui donne sa vie pour les brebis, nous savons que Jésus est mort pour nous, pécheurs. À la croix du calvaire, Jésus est venu volontairement. Il est mort pour que nous qui étions égarés, nous qui étions loin, parce que il faut dire que l'œuvre à la croix du calvaire a rassemblé toutes les brebis de Jésus en une seule bergerie. Parce que au départ, la parole de Dieu était réservée uniquement aux Juifs, mais avec l'œuvre de la croix, nous qui étions éloignés, nous qui étions les païens, aujourd'hui nous avons accès à la vie éternelle. Donc par cette œuvre à la croix, Jésus a rassemblé tous ceux qui croient en lui. Cette œuvre à la croix nous permet désormais d'être cohéritiers avec Christ. Ainsi, nous pouvons également aussi dire que désormais, il n'y a plus de division. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Parce que Jésus a effectivement accompli cette œuvre de réunification. Et que désormais, nous avons tous accès à la vie éternelle. Voilà, nous pouvons aussi dire que quand on considère le dernier verset, que souvent, beaucoup donnent le pouvoir à l'ennemi. Quand, par exemple, Jésus a fait des miracles et qu'il a déclaré qu'il est fils de Dieu, ceci a créé des divisions. Certains même ont même dit qu'il a un démon et qu'il est fou. Alors, c'est comme si on penserait que c'est le démon seul qui peut faire des miracles, qui peut réaliser des miracles. On donne des pouvoirs que les ténèbres n'ont pas souvent. On croit plus aux marabouts, on croit plus aux sorciers qu'à l'action que Jésus pose. Jusqu'à à dire que s'il a fait, si c'est un tel acte, ça veut dire que ça vient du diable. Mais au contraire, ce texte-là démontre que Jésus a fait de grands miracles, des miracles, des guérisons. Il a opéré, des yeux se sont ouverts, des paralytiques ont marché, et que c'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est Jésus qui a été annoncé, qui a fait effectivement cela. Donc, désormais, il faut que le chrétien que nous sommes puissions avoir la foi que Jésus n'a pas changé. Il continue toujours de faire des miracles, d'agir. Et il est au-dessus de tout ce que nous pouvons citer comme puissance, que ce soit la puissance des marabouts, des sorciers, des mystiques. Jésus est au-dessus. Alors, ne donnons pas le pouvoir de Jésus à ceux-là même qui ne peuvent pas s'approcher de lui. C'est ce que donc je voulais donc souligner pour dire que Jésus continue toujours d'agir et que nous devons avoir foi à ce que Jésus n'a pas changé. Je crois que c'est par rapport à ces choses-là que le Seigneur lui-même dit qu'il y a un péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, un serviteur, ayant connu déjà la puissance de Dieu, qu'on attribue l'action du Saint-Esprit à des œuvres satanistes ou à des personnes, à des humains, je pense que c'est vraiment blasphémer contre le Saint-Esprit ou vice-versa. Oui. Bien. Et il a dit que ce péché-là ne sera pas pardonné. Voilà. Donc nous devons faire attention pour ne pas attribuer la puissance de Dieu à d'autres divinités. Et ne même pas juger aussi de certains miracles qui se font, parce que des fois aussi, il y a certains miracles qui se font tellement on ne les comprend pas qu'on se dit que ça, c'est pas possible. Dieu peut pas faire ça. Oui. Or, c'est Dieu qui l'a fait. Il y a d'autres miracles aussi qui sont faits qui ne sont pas de Dieu. On attribue ça aussi au Saint-Esprit. Il faut faire attention. Voilà, il faut dire que de plus en plus, l'incrédulité règne dans le milieu chrétien. Et c'est dommage. On ne croit plus et on vient par coutume à l'église, par habitude. Or, c'est par la foi que nous avons été sauvés. Notre foi doit être renouvelée et savoir que le Christ est omnipotent. C'est-à-dire, il est tout puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Et donc, on ne peut pas le comparer à d'autres divinités. Il faut faire très attention. Il est mort pour nous et c'est le seul en qui nous devons croire. C'est le seul qui nous aime. Tous ceux qui sont autour sont des brigands qui font des démonstrations pour tromper et pour abattre. Donc, nous devons faire attention à cela. Bien. Auditeurs de la radio de la vie, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons, avant de conclure, demander au frère Douba de prier pour un sujet en rapport avec ce que nous venons de dire. Je voudrais prier donc ce matin pour que le Seigneur nous aide à croire davantage afin que s'éloigne l'incrédulité dans le milieu chrétien. Seigneur, je prie que tu nous donnes la foi, que tu renouvelles la foi de tes enfants. Car de plus en plus, certains ne vivent que par habitude, par coutume, ils ne croient plus. Ils font les choses, ils posent des actes sans conviction. Je prie au nom puissant de Jésus que tu nous donnes la foi, que notre foi soit renouvelée et que Seigneur Jésus-Christ, nous puissions voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos comportements, dans nos actes, que nous puissions avancer le royaume de Dieu. Que ton nom soit béni au nom puissant du Christ. Amen. Amen. Auditeurs de la radio de la vie, vous trouverez le commentaire de ce passage à la page 27 du lecteur adulte. Mais laissez-moi vous dire, pour ajouter à ceci, que les brebis égarées qui ne sont pas encore de la bergerie sont nos parents, nos frères, nos amis, nos collègues, tous ceux à qui vous pouvez penser qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Alors, il nous faut aller les chercher, c'est-à-dire il nous faut les évangéliser. Ne pas les laisser à la proie des mercenaires que sont les faux prophètes, les diseurs de bonne aventure, les faiseurs de miracles, mais que nous allions les chercher pour les emmener à Christ. Ceci dit, nous allons dire merci à notre frère Lignon Douba. Merci frère. Merci. Et nous vous rappelons qu'il est ancien de l'église Assemblée de Dieu Jéhovah Shammah de Angré Château. Ceci dit, nous vous disons au revoir. Yahweh Emmanuel était à la mise en onde de cette émission et votre servante Emma Bilé vous l'a présentée. Au revoir et à demain. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.